L'intelligence est une science et non pas seulement une expérience mentale. À quel niveau et sous quelles conditions de conscience l'intelligence devient-elle une science? Voilà une question importante et imposante pour le genre humain. L'intelligence est une science à partir du moment où l'homme, l'ego, se sent totalement désengagé de son intellect et à partir du moment où ce dernier peut percer les couches de son esprit et aller chercher ce qu'il a de besoin de savoir pour mieux comprendre ou expliquer la vie et ses multiples facettes. L'intelligence est une science exacte lorsque l'homme a fait un bond sans hésitation dans son esprit, prenant conscience de son esprit et ne laissant plus passer dans son esprit le moindre des doutes. La science de l'intelligence est une faculté nouvelle sur la Terre et ne relève plus de l'ego, mais de son rapport vibratoire avec une énergie dont l'intelligence est supérieure à ce que l'homme peut s'imaginer ou comprendre. C'est de cette énergie que doit naître sur la Terre la science de l'intelligence. Si nous parlons de science de l'intelligence, c'est pour élever l'intelligence à un statut plus vaste, plus indéfinissable que celui que nous connaissons par expérience ancienne. C'est pour établir que l'ordre des choses dans l'univers ne peut être compris, saisi, tant que l'homme n'a pas franchi ce cap, où l'intelligence n'est plus simplement la réflexion d'une forme inférieure dans le mental humain, mais une mutation de ce mental permettant à l'homme de communiquer avec des êtres supérieurs. Si la science de l'intelligence représente la première des forces créatives sur le plan mental supérieur de l'homme, elle est aussi la première des forces qui fera éclater le savoir humain afin qu'une mutation se crée dans le mental inférieur. Le mental est une dimension spatiale de l'esprit, et cette dimension possède un point d'attache, et ce point d'attache, c'est le mental cosmique de l'humanité. Mais l'humanité est encore loin de l'expérience du mental cosmique, car l'homme n'est pas encore libéré du mental planétaire, c'est-à-dire de ses pensées subjectives qui planent dans son esprit, à cause de sa relation émotive avec l'intellect. Si l'homme n'avait pas de relation émotive vis-à-vis son intellect, il vivrait dans le mental cosmique universel, c'est-à-dire dans ce mental qui n'est pas humain en soi, mais supra-humain, c'est-à-dire non soutenu par la dualité du vrai ou du faux. Le vrai et le faux crée dans le mental de l'homme une zone à l'intérieur de laquelle il doit opérer mentalement et émotivement. En dehors de cette zone, son esprit tremble et il croit devenir fou, car l'énergie en dehors de cette zone n'est plus sous le contrôle de l'ego, mais sous le contrôle de l'intelligence pure, du rayon. La science de l'intelligence est une nouvelle étape dans l'évolution de l'action et de la parole humaine. Et cette science marquera la différence entre l'intelligence réelle et l'ignorance. L'homme a été créé pour que se crée sur le plan matériel un double de l'esprit, c'est-à-dire une contrepartie parfaite de l'esprit, organisée matériellement. Et cette contrepartie parfaite de l'esprit représente en réalité objective une image tridimensionnelle ou volumétrique de l'espace atomique dont est construit l'esprit. L'esprit est un espace atomique, c'est-à-dire une dimension de l'atome régie par les lois de l'intelligence. Et cette loi, manifestée à travers l'espace atomique, constitue une science précise que nous appelons science cosmique ou intelligence universelle. Autrement dit, l'intelligence est une science cosmique manifestée à travers un espace atomique sur un plan volumétrique et tridimensionnel que l'on appelle l'homme. Si l'homme n'existait pas, le plan tridimensionnel dont a besoin l'esprit devrait exister dans une autre dimension, et cette autre dimension, c'est celle du rêve ou du plan astral. S'il en était ainsi, l'homme non réalisé dans la matière serait une image nécessaire pour que l'énergie de l'intelligence puisse se manifester à travers cet espace atomique dont l'esprit serait astral. Alors pourquoi l'homme existe-t-il? Il existe afin que l'image astrale soit réalisée, c'est-à-dire incarnée, c'est-à-dire rendue matérielle. Pourquoi? Parce que le tridimensionnalisme matériel de cette image, l'homme, est le résultat parfait de la condensation de la forme sur un plan qui ne peut être imaginaire, c'est-à-dire en fonction de l'astral, mais matériel, c'est-à-dire en fonction de l'intelligence. Autrement dit, si l'homme existe sur le plan matériel, c'est à cause de la science de l'intelligence et non à cause de l'esprit de l'homme. Autrement dit, le phénomène d'incarnation, de descente dans la matière, est le produit de la science cosmique et non le produit du désir de l'esprit de la pénétrer. Pourquoi? Car la science de l'intelligence est une volonté créative qui s'établit là où le vide existe, c'est-à-dire là où une espèce matérielle peut être créée pour que l'image astrale de l'homme puisse être reproduite dans la matière, afin que cette même matière puisse un jour la reconnaître, afin que la science cosmique prenne contrôle de l'évolution des espèces régies par les lois astrales, où la science cosmique est inexistante et sans pouvoir créatif, intelligent et absolu. L'homme n'est en fait qu'une image matérialisée de l'astral, et ceci est le plus grand fait de l'homme. L'homme n'est pas encore le produit de la science cosmique. La différence entre les deux est grande et de forte implication, car c'est la différence entre la mortalité et l'immortalité. Si nous disons que l'intelligence est une science universelle, nous disons que la science cosmique est la descente et l'apparition de l'intelligence sur la Terre. Et cette descente coïncide avec l'évolution, avec l'élévation vibratoire de la conscience humaine ou de l'intelligence de l'homme. Donc, la science cosmique n'est pas une étude philosophique, elle est le produit de la descente sur la Terre de l'intelligence dans l'homme. La science de l'intelligence veut dire que l'homme développera le pouvoir de science, le pouvoir d'intelligence, le pouvoir d'esprit sur son image astrale, et ceci créera une unité entre l'intelligence cosmique, la science cosmique et l'homme. La science de l'intelligence est responsable des pensées que l'homme connaît dans son expérience, mais n'est pas responsable de la valeur de ses pensées. Car la valeur d'une pensée est toujours astrale et fait toujours partie de l'image de l'homme dans l'astral. Autrement dit, il n'y a pas de science de l'intelligence dans l'homme, car les valeurs de toute pensée humaine proprement dite proviennent de l'astral. Si les valeurs, quelles qu'elles soient, des pensées humaines viennent de l'astral et que la pensée elle-même vient de l'intelligence, l'homme est le point de rencontre où la division doit être faite, où le filtrage doit être établi. C'est ce que nous appelons l'être supramental, l'être humain complet. La séparation entre la valeur de la pensée et la pensée elle-même est la différence entre la mortalité et l'immortalité. La science de l'intelligence ne doit pas être conçue comme la science que nous connaissons sur Terre. Science dans le sens cosmique du terme veut dire passage de l'intelligence à travers la valeur astrale de la pensée pour l'éclatement de la pensée, afin qu'un ordre supérieur soit créé sur le globe. La science de l'intelligence est une vibration canalisée à travers la valeur astrale de la pensée humaine pour forcer la nature humaine à ne plus s'interroger valoriellement sur son intelligence ou l'intelligence active à travers l'homme. La valeur de la pensée humaine n'est jamais et ne peut être intelligente scientifiquement, car elle est prédéterminée et toute science intelligente ou toute intelligence scientifique et cosmique interdit la prédétermination, car la prédétermination engendre sur le plan matériel ou le plan tridimensionnel de l'homme de l'émotion négative, et cette émotion négative tue la science de l'intelligence dans l'homme et force l'homme à demeurer prisonnier de l'astral et à mourir comme les animaux. Donc, sans avoir libéré son esprit. La science de l'intelligence est proprement dite la volonté absolue et cosmique de l'énergie créative dans l'univers. Elle ne peut être prédéterminée car elle crée sa propre harmonie au fur et à mesure qu'elle se manifeste. Et tout ce qui existe dans l'astral est prédestiné, autrement dit déjà vécu, sur le plan imaginaire, et ce plan n'est pas créatif, mais actif. La science de l'intelligence étant créative, l'actif vient après elle. Et s'il est prédestiné sur le plan de l'homme, c'est que l'homme n'est pas encore dans l'intelligence cosmique et automatiquement, il est soumis au temps. L'homme connaîtra la science de l'intelligence au 21e siècle, lorsque le contact sera établi entre le terrestre et certaines intelligences qui sont libres des plans imaginaires de l'astral. Le contact entre l'homme et ses êtres apportera sur la Terre la science de l'intelligence, c'est-à-dire le pouvoir vibratoire de l'intelligence. Ce pouvoir dirigera l'évolution de l'humanité future jusqu'à ce que l'homme ait atteint son droit d'aîné, c'est-à-dire lorsqu'il aura le pouvoir de projeter sa pensée dans la matière. Pour que l'homme puisse projeter sa pensée dans la matière, il faudra que sa pensée soit libre de toute valeur, c'est-à-dire qu'elle ne puisse être prédestinée, autrement dit, qu'elle soit libre de l'imaginaire astral d'où elle détient sa valeur. La pensée sera un champ de force plutôt qu'une forme. Le problème avec toute forme de pensée, quelle qu'elle soit, quel que soit son niveau vibratoire, provient du fait qu'elle possède une valeur. Et la valeur de toute pensée est réfléchie par l'astral de l'homme. L'imaginaire ou l'astral n'a jamais été dans l'intelligence, car l'intelligence est mentale. Alors toute intelligence astrale n'est que le mouvement dans l'homme d'une valeur prédestinée et émanant de ce plan. La prédestination d'une valeur fait partie du mensonge et de la vérité. Tout mensonge est prédestiné à celui qui peut le recevoir, et la même situation existe pour la vérité, selon les degrés d'évolution spirituelle. L'intelligence est cosmique, donc occulte dans ses mécanismes de fond. Ce que l'homme inconscient connaît de l'intelligence n'est que sa dimension inférieure, sa dimension psychologique, qui donne à l'homme la conscience qu'il a aujourd'hui et qui s'est graduellement développé depuis des millénaires selon l'évolution de ses corps subtils. Mais l'intelligence que l'homme connaît aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, est le début de l'intelligence supramentale de l'humanité. Mais ce début est encore très primitif, car le cerveau humain ne peut qu'absorber un peu de l'énergie de l'intelligence à la fois, jusqu'à ce que ses corps subtils soient suffisamment altérés ou élevés en vibration. L'intelligence réelle de l'homme doit se manifester sur le globe à un tel point que l'homme n'ait plus l'impression d'être égoïquement intelligent. À ce stade d'évolution, l'homme commencera à comprendre, à réaliser que l'intelligence est une science et que la science cosmique est sur la Terre. Mais la science cosmique ne peut se manifester sur la Terre tant que le cycle de la cinquième sourate ne sera pas achevé. L'intelligence est une science et la science est réellement intelligente, c'est-à-dire qu'elle est l'appréciation du pouvoir de l'intelligence sur la Terre. L'intelligence est occulte, autrement dit incompréhensible dans sa totalité, car elle est infinie. Et l'homme commence à comprendre ceci lorsqu'il perd la notion d'intelligence et l'impression de l'être ou de ne pas l'être. À partir de ce moment, dans l'évolution de l'homme, l'intelligence détruit la réflexion des formes à l'intérieur du corps mental inférieur de l'homme, et l'homme commence à ne plus être ébloui par l'intelligence. Il peut alors la canaliser et la faire descendre sur le plan matériel pour son bien-être, pour son bénéfice personnel et le bénéfice de l'humanité. Mais s'il veut la posséder, le moindrement, elle lui échappe, car elle ne peut être utilisée avec réflexion égoïque. L'intelligence est une science car elle détermine avec perfection l'acheminement évolutif de tous ses mouvements à travers l'homme. Elle est donc derrière tout mouvement et ne peut être entravée que par une conscience humaine inférieure, plus avancée que l'animal, mais inférieure au surhomme. À ce stade, elle peut devenir destructive, car elle ne se connaît pas. Et l'intelligence doit se connaître dans l'homme, c'est-à-dire que l'homme doit en être totalement imprégné pour qu'elle soit parfaitement créative. La science de l'intelligence est manifeste, c'est-à-dire qu'elle est instantanément appliquée lorsque l'homme est instantanément dans sa conscience, c'est-à-dire lorsque l'homme ne la réfléchit plus égoïquement. L'intelligence produit l'unité dans la nature de l'homme lorsqu'elle est réelle. Elle crée l'homme réel et l'homme cosmique. L'homme réel étant celui qui, dans la matière, canalise l'énergie et l'homme cosmique, celui qui, dans l'éther, utilise cette énergie pour qu'elle soit perfectionnée sur un plan de conscience élevé et non entravée par les sens, afin que le pouvoir de l'intelligence soit retenu par l'homme, afin que l'être cosmique et l'être planétaire soient réunis dans une unité créative abondante pour que s'établisse sur le globe le règne de l'intelligence. L'intelligence supramentale n'a pas de limite autre que l'homme lui-même. Ceci veut dire que l'homme détient le pouvoir de cette intelligence selon le perfectionnement de ses corps subtils. Les corps subtils de l'homme, surtout le mental et l'émotif, sont la mesure même de la descente de cette énergie sur la Terre. L'intelligence en tant que science comporte à la fois des dangers et à la fois des bénéfices pour l'humanité. Si l'énergie est utilisée de façon à ce que l'homme en soit parfaitement conscient, elle le sert. Et il sert l'humanité. Si cette même énergie est filtrée à travers des couches de conscience inférieure et animale, l'homme risque d'être détruit par elle et de détruire sa civilisation. La science de l'intelligence est l'application sur le plan de vie matérielle de forces inouïes, forces qui émanent de la conscience même de l'atome et qui peuvent être utilisées et contrôlées par l'homme. Mais l'homme est encore à ses premières armes vis-à-vis l'énergie de l'intelligence, et beaucoup lui sera donné, à condition qu'il ne s'élève pas contre l'homme, son frère. Car cette énergie alors le détruira. Lorsque nous disons que l'intelligence est une science, nous disons juste. Nous disons que cette énergie permet à l'homme de connaître instantanément les lois de la nature, et si son ego n'est pas ajusté à une réalité qui lui est propre, il peut facilement se convaincre que le pouvoir de l'énergie fait partie de lui, et qu'il peut en faire ce qu'il désire. C'est ici que commence le danger que connaîtra la sixième race. L'esprit de l'homme verra pour la première fois le pouvoir de l'esprit et l'ego frémira devant cette constatation. Ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est dangereux, mais son ego, c'est-à-dire cette partie de son esprit qui est encore sous le contrôle des forces astrales. Les forces astrales savent manipuler l'énergie de l'intelligence contre l'homme. Et toute science issue de cette intelligence, de cette énergie, devra être surveillée par des êtres évolués et conscients du danger qu'elle portera dans son sein. Le nouveau cycle sera le premier sur Terre qui ouvrira à l'homme toutes ses possibilités, et ce cycle sera aussi celui qui rendra l'homme conscient du pouvoir de l'énergie sur la Terre. Mais l'homme est encore ignorant et le début du cycle permettra à l'humanité de se rendre compte des dangers liés à l'utilisation de la nouvelle science. C'est graduellement que l'homme comprendra que l'énergie et les forces qu'elle génère requièrent une conscience élevée, c'est-à-dire un esprit qui soit évolué. Un petit nombre d'hommes et de femmes auront été avisés du lien entre l'ego et l'astral. Et ce seront ces êtres qui, les premiers, sauront bien utiliser les forces nouvelles de la Terre. À cause de leur niveau supérieur de compréhension, ces êtres auront vite compris la nécessité de se créer sur le globe un centre de vie et d'activité qui les protégera absolument du désordre. L'intelligence étant une science, ceci veut dire que l'intelligence sera créative et constructive et non philosophique. Ayant dépassé le stade de la pensée philosophique, les hommes les plus évolués construiront les premiers le pont entre la matière et l'éthérique. Ce pont sera une sorte de tunnel qui sera emprunté et qui permettra à un certain nombre de se rendre invisible à la population matérielle. Ce sont ces êtres qui formeront le premier gouvernement invisible de la Terre et qui veilleront à ce que l'évolution de la sixième race se fasse selon les lois de l'intelligence et des forces évolutives qui travaillent dans l'ombre. Le temps pour l'homme est une condition de vie qu'il ne comprend pas. Car pour lui, le temps est lié à une activité qui prend origine dans son corps de désir. Mais le temps réel devient concret chez l'être supramental, car le temps appartient au pouvoir de l'intelligence en lui, et ce temps n'est aucunement celui que l'homme connaît. Et la connaissance des lois de l'énergie permettra à l'homme de modifier le temps, c'est-à-dire de le faire avancer ou de le retarder. Et c'est ici que l'homme pourra commencer à travailler sur les plans supérieurs de la matière et coordonner les activités inférieures de l'humanité. Le fait que l'intelligence soit une science est le plus grand défi de l'homme. L'homme apprendra avec l'évolution que l'intelligence ne supporte aucune théorie intellectuelle développée par l'homme. Cette situation est tellement vaste d'implications que seule l'intelligence peut remettre de l'ordre dans l'évolution et donner libre accès à l'homme aux bénéfices de sa planète et du système solaire. L'intelligence en tant que science est une force d'organisation tellement puissante que les hommes de demain qui voudront s'y opposer seront anéantis, c'est-à-dire que leur esprit sera bouleversé et mis en confusion. La science de l'intelligence est un pouvoir de créativité sur le globe, et ce pouvoir est manifesté à travers l'homme, mais ne vient pas de lui. Les hommes de la Terre sont tellement primitifs dans leur intelligence que le seul bénéfice qu'ils ont réussi à soutirer de la nature est celui qui leur a permis l'étude et la recherche. Mais l'étude et la recherche matérielle ne sont que des facettes de l'expérience humaine. L'intelligence en tant que principe est une énergie et cette énergie devient de plus en plus présente chez l'homme. Et dans les années à venir, il y aura sur la Terre une diffusion énorme de cette énergie et les hommes commenceront à vivre un état semblable à la folie. Mais cet état sera temporaire et les plus forts s'en sortiront. Ceux qui s'en sortiront créeront les conditions essentielles à la canalisation de cette énergie et ne seront plus sous l'influence marquée de la société contemporaine et de ses structures surannées. L'effet sur l'homme de cette énergie sera tellement puissante qu'une psychologie de cet événement sera nécessaire pour que ceux qui en seront témoins ne souffrent pas, outre mesure, de leur situation. L'intelligence est une science car son mouvement dans l'homme est perpétuel, c'est-à-dire de sorte que l'homme éventuellement apprend à s'en servir et à l'appliquer à l'échelle de ses besoins, et ce, sans fin. L'intelligence en tant que science ne peut se manifester sans que l'ego ne soit préparé à la recevoir, à la manipuler. C'est pourquoi il est encore difficile pour les hommes aujourd'hui de la voir, de la réaliser en tant que science. Mais le temps n'est pas loin où cette réalisation sera marquée par des inventions dont les inventeurs n'auront aucune compréhension technique autre que ce qui leur sera indiqué. L'homme a toujours voulu posséder la science et c'est la science cosmique, l'intelligence qui le possédera. Lui ne fera que la canaliser. Cette situation sera nouvelle pour l'homme de la Terre, car il s'apercevra que le rythme de croissance de la science et des inventions humaines ne sera plus géré par les monopoles industriels, mais que tout à coup, quelque part dans le monde, il sera annoncé que telle machine est mise à la disposition de l'humanité. Et les hommes en général, c'est-à-dire les hommes qui ne seront pas dans l'intelligence universelle, ne comprendront pas l'origine de ces merveilles de la science nouvelle. Elles apparaîtront dans le monde à l'insu du monde, et l'humanité sera enrichie d'une science qui n'est pas de l'homme, mais de l'intelligence réelle dans l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup d'hommes ne comprennent pas ce qui se passe dans les profondeurs du psychisme humain et s'inquiètent. Mais leur inquiétude sera de courte durée, car l'intelligence ne détruit pas l'homme, bien qu'elle puisse épuiser ses ressources psychologiques au point où il se demande s'il n'est pas sur le point de perdre son esprit. Voilà pourquoi l'homme doit savoir et comprendre ce qui se passe sur le globe. L'intelligence est science si abondante que dès sa manifestation matérielle, technique, les problèmes de l'humanité commenceront à s'estomper, car sa promulgation dans le monde sera accompagnée de la présence sur Terre d'un homme dont les qualités d'intelligence et de science bouleverseront les nations. Ce sera la fin de la cinquième sourasse de la science matérielle et le début de l'âge nouveau. Ce sera l'époque rêvée depuis des siècles et cette époque est près de l'homme. Mais l'humanité sera troublée avant son apparition, car le vieux, le ranci, doit être éliminé. Les formes anciennes doivent être détruites avant que l'homme ne puisse connaître les secrets de la matière et le pouvoir de l'énergie. L'homme doit apprendre graduellement à se dissocier de la notion de son intelligence afin de pouvoir s'ouvrir à une énergie dont le pouvoir et la qualité est intelligence. Cette nouvelle condition de l'homme révolutionnera la civilisation et produira sur le globe une puissance d'invention que l'être humain n'a jamais connue. L'intelligence dans sa réalité est un rayon qui se fixe au cerveau de l'homme et augmente le champ d'énergie dégagé par ce cerveau. Le cerveau humain est une charge électrique qui peut être altérée au contact de ce rayon. Et dès que ce contact est établi, l'être humain devient mutant, c'est-à-dire qu'il n'appartient plus à l'échelle évolutionnaire primitive de sa planète, mais la dépasse et éventuellement en domine l'évolution plus lente. Un certain nombre d'êtres humains sur le globe seront touchés par ce rayon. Chacun est déjà préordonné et chacun sera graduellement conscientisé dans cette intelligence. La Terre ne sera plus une planète expérimentale pour ces hommes, elle deviendra un lieu où leur intelligence nouvelle devra s'appliquer pour que se crée sur cette planète une race supérieure, un homme supérieur, non limité par la psychologie de son temps. L'homme découvrira le pouvoir de l'intelligence au fur et à mesure que la Terre et ses populations entreront en conflit inévitable. Et ceci est déjà commencé. La pollution. La pollution de la Terre est l'épuisement de l'intelligence naturelle humaine et l'incapacité chez l'homme de retenir cet épuisement, de l'empêcher. Justement parce que il a un besoin très grave d'intelligence supérieure. La pollution de la Terre est le signe majeur de la nécessité que se forme sur cette planète un corps créatif, un cercle nouveau d'individus qui seuls auront le pouvoir de régénérer les forces de la planète à travers les pouvoirs qui leur seront conférés par le rayon de l'intelligence qui se fixera dans leur cerveau. L'intelligence est tellement importante pour l'homme que sa situation actuelle ne peut que se dégrader. Ni l'homme de bonne volonté, ni l'homme spirituel ne peuvent mettre un terme à la mort de la civilisation. Les conflits sont générés à partir de forces trop primitives et trop ignorantes des lois de la vie. La vie terrestre est à son dernier souffle. L'homme ne voit jamais la fin car il vit d'espoir. Mais il ne réalise pas que l'espoir est un manque d'intelligence. Ce n'est qu'un palliatif de l'ego pour lui permettre de continuer sa course folle vers l'anéantissement de sa civilisation. Les hommes n'ont jamais compris les lois cosmiques de leur planète. Ils ont toujours vécu selon les idées personnelles, philosophiques, les idées primitives de leur civilisation. Les opinions. Ces temps sont révolus. L'homme connaîtra ce qu'il a toujours voulu se refuser de connaître, le pouvoir de l'intelligence. Pouvoir d'intelligence supérieure qui dirige l'évolution sur des plans que seul l'homme conscientisé peut connaître et reconnaître. L'intelligence est régie dans l'univers par des forces que l'on peut qualifier de rayonnantes. Et ces forces sont lumière, c'est-à-dire qu'elles sont intelligence et créatives. Lorsque l'homme est suffisamment évolué, il peut être mis en contact avec ces forces, mais dès que la contact est établie, une nouvelle civilisation doit naître des décombres de l'ancien. Voilà comment change et se transforme la vie d'une planète. L'homme doit commencer à pouvoir épouser des idées qui vont plus loin que sa petite psychologie. Il doit pouvoir épouser des idées dont il peut comprendre l'ampleur et la réalité. Il doit pouvoir commencer à contempler de plus vastes panoramas de la réalité planétaire et cosmique. car il deviendra un jour cosmique, c'est-à-dire capable de vivre d'énergie et non plus simplement de nourriture et d'idées, fixé par son histoire et fixé par une mentalité planétaire et collective, qui vit d'opinion et se nourrit d'opinion pour se créer une opinion qui devient avec le temps l'opium de la Terre. L'intelligence en tant que science intérieure des principes de vie à tous les niveaux de la réalité humaine et planétaire ne peut croître qu'avec l'évolution de l'esprit humain et la transformation des champs d'énergie qui constituent sa réalité invisible et subtile. Cette intelligence progressera et traversera toutes les couches de la conscience humaine jusqu'à ce que l'homme puisse l'utiliser pour son bien-être. L'être humain doit traverser le désert avant de trouver l'oasis, et tant que ce trajet ne sera pas accompli, il sera à plusieurs reprises victime des mirages, car sa soif sera grande pour la paix. Mais cette paix profonde ne viendra qu'avec le développement de plus en plus concret de la nature humaine, c'est-à-dire de la personne humaine, jusqu'à ce que cette dernière soit un agent libre et créatif, non retenu par une psychologie qui n'est pas issue de l'universel dans l'homme, mais de l'historique et du planétaire, conditionné par l'histoire, le passé, la mémoire. L'homme ne doit pas avoir peur du vide que l'intelligence crée, car ce vide est un plein de possibilités que l'homme ne peut encore exploiter, car son ego bloque ses propres forces. L'ego de l'homme doit se sensibiliser à sa conscience réelle et profonde, et mettre de côté les faux supports qui lui donnent naissance. La science de l'intelligence permettra à l'homme de réaliser que l'expérience qu'il vit sur le plan matériel est directement en relation avec les événements qui sont préparés pour lui sur le plan parallèle. Et cette réalisation deviendra pour lui de l'intelligence, c'est-à-dire compréhensible, ordonnée, bien coordonnée à sa propre façon. L'ego a tellement été habitué à interpréter la vie selon ses propres modes qu'il est normal que l'intelligence, une fois sa descente commencée, lui fasse réaliser que les événements ont toujours représenté une influence intelligente et que cette intelligence a toujours œuvré derrière le voile. Ajusté à cette intelligence, à cette énergie, l'ego commence alors à devenir plus intelligent et avec le temps commence à l'utiliser sur le plan matériel selon le pouvoir de cette dernière. C'est la science de l'intelligence qui doit dicter à l'homme comment agir, comment construire, car c'est cette science qui est cosmique, universelle, et lie ensemble les hommes. Si nous employons le terme science pour définir la précision de l'intelligence, pour lui donner une caractéristique que nous connaissons ou que nous avons développée, c'est pour faire comprendre à l'homme que demain, son intellect sera transformé, que son esprit sera dans un état autre, ce qui permettra à l'énergie de créer instantanément en lui les rapports qu'elle a de besoin afin que se manifeste sur le plan matériel de l'intelligence, c'est-à-dire une science, c'est-à-dire une intelligence appliquée selon les lois de l'énergie et non selon les lois du corps de désir de l'homme. Nous disons que cette énergie est science parce qu'elle a le pouvoir d'organiser parfaitement l'évolution et qu'elle permet à l'homme de parfaitement structurer son évolution matérielle et à la fois comprendre les lois occultes de la matière et de l'esprit qui doivent à un certain moment se rencontrer afin que l'homme possède sur la matière un pouvoir total et que son esprit puisse être parfaitement harmonisé à l'intelligence afin que la civilisation humaine devienne une civilisation cosmique au lieu d'être simplement une civilisation planétaire. L'évolution sur la Terre de l'intelligence en tant que science et que science en tant qu'intelligence permettra à l'homme, pour la première fois depuis son apparition sur le globe, de construire une civilisation dont les lois seront l'approximation de l'énergie et de l'intelligence, au lieu de réfléchir ou de refléter les dispositifs astraux de la conscience humaine que nous avons connus au cours de l'évolution et qui ont été à la base même de la déchéance humaine et aussi à la base même de la souffrance de l'homme. Pour que l'homme cesse de souffrir sur une planète, il lui est essentiel de vivre selon les lois de l'énergie et d'appliquer les lois de l'énergie selon des principes de science qui font partie déjà d'un principe ultime de l'évolution, concentré énergétiquement dans la conscience des rayons qui affectent l'homme et qui donne à ces matières subtiles le support nécessaire dont il a de besoin pour devenir, avec les siècles, avec les âges, avec les millénaires et les époques, un être de plus en plus puissant, c'est-à-dire un être de plus en plus rayonnant, c'est-à-dire un être de plus en plus lumineux. La luminosité de l'homme au cours des âges sera proportionnelle à sa capacité en tant qu'être planétaire de subir, de supporter le choc vibratoire de l'énergie de l'intelligence, de pouvoir vivre selon les lois de cette énergie, afin que la manifestation de cette énergie à travers son cerveau devienne pour lui une science exacte, une science cosmique universelle qui ne peut être diminuée dans son pouvoir, mais qui peut, selon les lois de l'homme et les lois de la galaxie, affecter, s'il y a trouble, s'il y a confusion, la destinée de l'homme et la destinée de sa planète. Les hommes de demain seront dans le pouvoir de l'énergie, mais demain aussi les hommes auront le pouvoir de semer sur leur planète selon la conscience qu'ils auront, selon le pouvoir de résonance qu'ils vivront en fonction de cette énergie qui est science et qui émane des plus profonds coins de l'univers pour filtrer, selon l'homme, leur conscience, leur intelligence, leur lumière, pour que lui puisse bénéficier sur un plan infiniment petit mais infiniment important de la lumière absolue du principe cosmique de l'intelligence qui lui donnera éventuellement la capacité de vivre aussi au niveau de la volonté cosmique de cette intelligence, afin qu'un jour, lorsque l'homme aura atteint les stages de l'éthérique, où il pourra vivre de son double, que cet homme puisse connaître les lois de l'amour et se servir de cette énergie cosmique, encore une fois, et travailler à l'évolution pour le bénéfice de l'humanité, pour le bénéfice de l'intelligence, de l'amour et de la volonté, afin que, sur le plan matériel, il existe un équilibre total entre les forces qui composent l'homme et les forces qui peuvent le décomposer s'il n'est pas suffisamment attentif à sa conscience parfaite.